devant le soir. Et tu poserais tes doigts sur moi. Si j'étais ta guitare à toi, tu m'emmènerais des fois le soir. Traîner dans des bars, traîner sur des trottoirs. Si j'étais ta guitare,